Dites-le-moi, dites, pourquoi vos yeux sont-ils si bleus? Dites-le-moi bien vite, j'étais si tranquille sans vous. Et puis voilà que tout à coup, trois mots berceurs ont rempli mon cœur. Trois mots doux, trois mots fous, trois mots tendres qui me font trembler des mois. Mon amour doit ce jour sans attendre voulait dire à haute voix. Hâtons-nous car le soir où tout sombre bientôt nous oubliera dans son ombre. Trois mots doux, trois mots fous, trois mots tendres, je vous aime et voilà tout. Que dites-vous, où allez-vous, vous partez si vite, restons un peu là tous les deux, rien ne nous précipite. Quoi, vous ne voulez plus rester? Vous voulez déjà me quitter, vous n'aimez plus les mots entendus. Trois mots doux, trois mots fous, trois mots tendres qui me font trembler des mois. Mon amour doit ce jour sans attendre voulait dire à haute voix. Hâtons-nous car le soir où tout sombre bientôt nous oubliera dans son ombre. Trois mots doux, trois mots fous, trois mots tendres, je vous aime et vois.